squadra. Squadra A. Vengono a Pico, il pacto. Già, cette fois c'est la buona cifra. Il contratto. Les poings fermés dans les poches, observant les ombres qui s'approchent. Les armes qui clochent, c'est fou comme le succès change les proches. Y'a rien à faire, le mieux c'est de fuir toute cette médiocrité. Changer l'atmosphère, liquider les traits, démasquer moi et mon partner. On a fait un pas qui nous unit pour la vie. S'il n'y a plus d'amitié entre nous, on arrête, c'est promis. On a tellement subi de trahison ces dernières années qu'aujourd'hui c'est décidé, c'est clic à squadra pour durer. Honda, ganga, mafia. S'il faut faire des lois pour s'entendre entre nous, bien on les fera. C'est comme une famille qui s'endure, c'est comme un bloc de béton au bunker. De l'acier inoxydable, j'y crois dire comme fer, j'y vois plus clair. Les parano subsistent encore malgré tout dans le crew. Il n'y a plus de temps à perdre, le hip-hop n'attend plus que nous. Sexe, mensonge au micro, complot, stress, contrat, fiasco, gonzesse et business. Si lui l'eau, y'a plus de politesse, plus d'amis ni noblesse. Que les soi-disant potes qui s'engraissent, qui cherchent nos faiblesses, nous pressent pour grossir leur compte en caisse. La méfiance est un atout majeur dans la profession. Choisis bien tes pions, fiston, et confiance qu'à ton intuition. C'est comme un échec qui est un face-à-face spécial où chaque faux mouvement crée des cases vides. Sois clair, précis et rapide. Tellement d'intrus qui veulent nous séparer, nous disperser, nous aveugler. Même brûler les liens sacrés d'une amitié. Faire couler, nous effacer, nous liquider, nous retarder, yeah. Je sais qu'en fois ça peut vexer, mais je dis que la vérité. Les hommes du mal nous envahissent à chaque faux pas, j'ai toujours cru en l'union. Mais la gloire, le pognon crée trop de tensions. Les fausses fréquentations, les compliments, les nouveaux amis sont pires que des sables mouvants. Les gosses en lisse, en sont vivants. Je nage parmi les requins, j'essaie de suivre mon chemin. J'ai mon destin dans les mains, personne m'arrêtera, c'est certain. Je suis là, écoute Chaga, pas de dégâts, les sagateurs en gaga. Pour la pica, voici la squadra. El negro y el hispano, dándole fuerza y saboco. C'est comme un pacte, il y a une sorte de contrat lié par le sang. Un serment, toute la survie du clan dépend. Je vois dans tes yeux, tu vois dans les miens à présent. Fidèle aux miens, combien même ton crew te prête ma force. C'est comme un pacte, il y a une sorte de contrat lié par le sang. Un serment, toute la survie du clan dépend. Je vois dans tes yeux, tu vois dans les miens à présent. Je lâcherai pas l'affaire, j'irai jusqu'au bout maintenant. J'arrive pour tout péter, tu cherches la péter mal barré, je vais pas me répéter. Mais l'image qui m'a reflété, ce n'est pas le pied que je prends, plaisir que je trouve quand il faut se latter. La sale ambiance tendue autour de moi que je laisse flotter, ou par mon flotter, subjugué à devoir me flatter. Mais parce que je mets le feu quand le mal est fait à ma mi-fa. Fais preuve d'amour et de passion, je me veux bien calmer patient. Passion touche à un de mes proches, juste patience et théorie. T'es en rouge, fini, oublie le principe théologie. Le temps que je m'ontologie afin de trouver de quoi te soulager. Soulager l'expérience, ce serait à faire, je le referai. Je cherche des pour mon crew, méga ma clique, rien que des refrais. Sois pas con, complice, pas pour compile, c'est des compact, banal délire de copain. Plus qu'un pacte compacte, entre nous pacte l'échec. Meuf choc et soirée chic, ça va plus loin de ça gamin. L'histoire de bédo de sac à main, ça commence des points communs. Grandir sans commodité, dans une cité qu'on maudit. Comme on dit combattant, entre nous compacte combattant. Retraite l'esprit combatif, pas ceux qui te laissent en plan, qui ont plein ou qui compatissent. À part que le même sang dans nos veines, nouveau van et vénin. Van du pied vénère se rabattre sur nous pour nous voir rabattre. J'taffe pour un seul coup, une seule famille. Dans la main, un seul micro. Dans ma tête, un seul principe. Un seul style, l'argent, une seule couleur. Donc pour ma vie, un seul contrat. C'est comme un pacte, il y a une sorte de contrat lié par le sang. Un serment, toute la survie du clan dépend. Je vois dans tes yeux, tu vois dans les miens à présent. Fidèle aux miens, combien même le diable dans la tombe en soi. C'est comme un pacte, il y a une sorte de contrat lié par le sang. Un serment, toute la survie du clan dépend. Je vois dans tes yeux, tu vois dans les miens à présent. Je lâcherai pas l'affaire, j'irai jusqu'au bout maintenant, maintenant. We'll be right back.